No mai. De Joseph Henry Books, dit Rosny aîné. Chapitre 1. Au temps où les hommes vivaient sur les lacs, dans les cavernes et les habitations souterraines, la jeune Égypte ne bégayait pas encore ses hiéroglyphes. La bête était terrible, l'élément obscur, formidable et fatal, et tous les météores semblaient la colère, la vengeance ou la férocité d'êtres impénétrables. Alors vivait sur le lac du sang la tribu des fils du loup. Cette tribu était puissante par la force de ses mâles et par leur cruauté. Elle n'avait aucune morale douce. La vertu était d'autant plus belle qu'elle était meurtrière. Le pardon des injures était un crime. La sympathie pour l'étranger, une forfaiture. La pitié envers les vaincus n'était pas même prévue parmi les choses mauvaises, car on n'en connaissait point d'exemple. La famille existait. Le père seul y était une personne humaine, et les fils, pour se libérer, quittaient la demeure ou recouraient à la force sanglante. Les filles étaient vendues, et dès lors esclaves sans appel, dont la destruction ne devait susciter ni une vengeance, ni même une colère. Mais les ventes, par le conflit de la luxure et de la cupidité, engendraient le meurtre. Et les hommes n'avaient point encore, à l'exemple des oiseaux, appris le baiser. Il n'y avait d'amour que celui qui, sauvage et rapide, a suffi pendant les millénaires à perpétuer les générations des hommes. Chapitre 2. Or, un matin d'été, les feuilles étant jeunes encore, les filles du lac sanglant se baignaient dans les eaux tièdes. Et les guerriers les regardaient du rivage, car c'était la façon de les mettre aux enchères. Cette race était belle. On apercevait parmi les adolescentes la forme ancestrale des divines Hellènes ou des Iraniennes aux grands cheveux. Les hommes, armés de la massue de chêne ou de la lance à pointe de silex, choisissaient leurs épouses selon la force, l'embonpoint et la rançon. À mesure, on appelait la baigneuse, et l'acheteur, éprouvant son épaule, sa croupe et la fermeté de sa hanche, l'emmenait ainsi qu'un bœuf des tourbières ou un bouquetin des montagnes. Parmi toutes brillait Nomaï, la fille du grand chef lacustre. Les guerriers admiraient sa taille, flexible et forte, sa poitrine aux coupes rondes et l'agile vigueur de ses mouvements. Mais la douceur magnifique de son regard, la courbe fine et fière de sa joue, la grâce magique de son sourire, étaient faites pour l'admiration des hommes qui ne devaient naître qu'au siècle futur. Elle traversa deux fois la distance du village à la rive. Puis elle apparut debout, la hanche couverte d'une étoffe de fibres, sur un îlot noir à l'ombre d'un frêne. Et le chef la contemplait avec orgueil, tel un guerrier qui a taillé une hache redoutable ou un arc de longue portée. Près de lui se tenait Rox, le chef des jeunes hommes qui précèdent à la guerre et qui gardait 30 crânes d'ennemis dans sa maison. Couvert d'un poil rouge, sa taille était géante, sa main prompte à l'homicide et lourde comme un marteau. Et soudain, voyant Nomaï debout sur l'îlot noir, il cessa le marchandage avec le chef des chefs et cria d'une voix forte « Qu'il soit fait à ta volonté, Zam, fils de War. Tu auras l'ambre, les lances et les pierres gravées qui domptent les volontés invisibles. » À ces mots, un guerrier qui se dressait parmi les roseaux laissa retomber ses bras et devint pâle. Ses yeux ne s'étaient point détournés de Nomaï. Et seul parmi tous ces hommes fauves, il avait le pressentiment de la grâce d'un visage et de contours harmonieux. Seul il aimait la lumière variable des beaux yeux de la Vierge, son sourire où se mariaient les impressions fugitives et ses gestes charmants qui renouvellent le rythme des lignes. Ce n'était point un guerrier estimé. Il ne goûtait pas le meurtre et ne se montrait guère âpre à la vengeance. Et il s'abandonnait à la méditation que les fils du loup estimaient lâche, honteuse et sournoise. Les prêtres seuls y avaient droit, parce qu'ils l'entremêlaient de menaces, de sang, de fêtes brutales et de chants terribles. Mais ils n'admettaient dans leur rang que des hommes rusés, capables de maintenir par la malice le pouvoir de l'intelligence, car ils savaient la douceur impossible et la pitié dangereuse. La force guerrière n'y aurait eu aucun égard. Amré percevait sa faiblesse. Il en concevait de l'inquiétude, de la tristesse et même de la honte. Il avait lutté contre soi-même, s'était mêlé par devoir à des fêtes sanguinaires et avait exercé la vengeance sur des ennemis sauvages. Mais il ne prenait plaisir qu'à la vie rôdeuse, aux travaux ingénieux et à des réflexions naïves sur les choses étonnantes qui environnent la vie de l'homme. Il niait intérieurement beaucoup de choses qu'affirmaient les prêtres. Ainsi, il ne croyait pas que la foudre fût la voix du dieu des airs, mais plutôt un feu que les nuages allaient prendre sur les montagnes volcaniques. Il lui semblait aussi que les dieux devaient préférer la chair des animaux à celle des hommes et la pierre d'ambre au sang chaud. C'était encore sa pensée que l'eau avait été faite par la lumière puisqu'elle reproduit l'image des choses. Enfin, il se persuadait que les tribus lacustres ne descendaient pas du loup, mais plutôt du mélange de l'ours et du cheval. Il n'avouait aucune de ses opinions singulières. Il savait qu'il serait immédiatement mis à mort s'il les faisait connaître. Toutefois, il tirait quelque orgueil de les avoir conçus. Il aimait Nomaï, et de cet amour, il ne connaissait que la puissance. Il ignorait que le désir germait en son âme d'être aimé en retour. Une telle chose lui parut plus extraordinaire que toutes ses autres sensations, comme s'il avait prétendu être aimé par ses armes, par le fruit cueilli au bord du lac, ou par le feu qu'il allumait sur le foyer de pierre. Et il ne rêvait que d'acheter la fille du chef, ou de l'enlever par la force et la ruse vers les montagnes voisines. Chapitre 3. Quand il entendit Rox conclure le marché avec Zam, il se sentit plein d'épouvante et de rage. Il exécrait le chef des jeunes hommes, et c'était sa seule haine véritable. Moins fort et moins habile au maniement de la lance, il s'exerçait à l'arc, persuadé qu'il ne pourrait éviter un conflit avec le compagnon impitoyable. Et il s'effaçait de la présence de Rox pour éviter une injure trop cruelle. Cependant, Zam avait répondu: « Je veux aussi deux cornes de peinture de guerre et ton grand arc de frêne. » Rox hésita, car il trouvait déjà la fille bien coûteuse. Mais le regardant encore, debout sur l'îlot noir, il répondit: « Je le veux. » Le chef lacustre mit son bâton de commandement sur l'épaule de l'autre en signe que le marché était irrévocable. Mais Nomaï, ayant aperçu le geste, exerça son droit de fille du chef. Elle clama: « Je ne veux pas appartenir à Rox. » Ces refus étaient rares, suscités par la crainte d'un maître trop dur, et non par une raison inadmissible chez la femme de préférence. Zam et Rox lui jetèrent un regard sauvage, de dédain, de surprise et de colère. Le vieux chef, se contraignant au calme, interrogea son compagnon. « Consens-tu à l'épreuve de la nage ?» Dans cette épreuve, la jeune fille recevait 10 coudées d'avance. Elle pouvait récuser l'homme s'il n'avait point rattrapé cette distance sur l'espace qui s'étendait de la pointe d'un petit promontoire jusqu'à l'extrémité orientale du village lacustre. « J'y consens, » fit dédaigneusement Rox. Et son visage montra qu'il n'oublierait point cette injure. Cependant, Amré s'était avancé vers le promontoire. L'action de Nomaï l'étonnait autant que les autres. Elle le remplissait de ravissement. La sensation obscure qu'il avait de la préférence chez la femme lui devint presque intelligible. Il regarda avec des yeux de feu la belle fille qui rejoignait lentement le rivage. Elle se jouait dans l'onde, ainsi qu'une déesse des abîmes. Sa blanche épaule jetait un ray de lune dans l'eau bleue, tandis que sa grande chevelure flottait derrière elle comme une algue merveilleuse. Elle aborda. D'un bond léger, surgissant des roseaux, elle vint devant Amré. Arrêtée dans une pose de jeune biche prête à la fuite, elle tendit vers le guerrier la jeunesse de ses yeux et de son visage. Il comprit confusément qu'elle invoquait son aide et qu'elle n'aurait point réclamé l'épreuve de la nage contre lui. Plus inexprimable encore, mais avec une ardeur invincible, il eut l'impression qu'il obéirait en esclave à Nomai, qu'il trahirait les dieux, les hommes, et qu'il s'exilerait des eaux natales pour qu'elle reposât, volontairement, contre sa poitrine. Et sur le vieux drame sauvage des cavernes, sur la convoitise luxurieuse mais solitaire des fils du loup, s'élevait dans cette âme un des premiers drames psychiques de l'humanité, où le désir de posséder la femme s'accrut du désir d'être possédé par elle. Et c'était aussi l'aube des temps où près du crime commis pour la femme naîtrait le crime accordé à la femme. Nomai détacha lentement son regard de celui d'Amré. Elle courut à la pointe du promontoire, puis abaissant ses bras vers le lac. Ô reine des gouffres, toi qui fis sortir les femmes de la terre trempées dans l'eau, je te tisserai 10 tuniques si tu me donnes la force et la vitesse. Sa voix étonnait Amré par son ardeur sombre et sa mélopée, tandis que Rox, inquiet, conjurait la prière. Père qui tira les hommes du rocher, je tuerai pour toi 2 captifs et je t'offrirai leur cœur si tu refuses la force et la vitesse à cette fille. Alors Nomai bondit dans les flots jusqu'à la distance de 10 coudées. Rox, au signal du chef lacustre, la suivit. Elle nageait mieux qu'aucune autre fille des eaux, souple autant que la truite ou l'ombre chevalier. Lui fendait l'onde à grands gestes. Leur vitesse apparut égale. Rox ne gagnait point de terrain sur la vierge énergique, et Amré, haletant d'espérance, les baigneuses et les guerriers passionnés pour la lutte, le vieux chef lacustre, craignant de perdre la dot éclatante, regardait s'éloigner les antagonistes. Déjà Nomai n'était plus qu'à 100 coudées du but, lorsqu'une poutre détachée des pilotis vint la frapper à l'épaule. Surprise, elle eut un arrêt. Puis, malgré la douleur, elle reprit la lutte. Mais Rox donnait tout son effort. D'un mouvement farouche, avec une clameur sauvage élancée sur la vague, il s'empara de la vierge charmante. Les guerriers, toujours du parti vainqueur, hurlait l'éloge de Rox. Le chef lacustre se réjouissait à la pensée de l'ambre, des armes et des plaques magiques, tandis que sombre, l'âme pleine de meurtre, Amré baissait la tête et s'appuyait contre un arbre. Cependant, Nomai s'était dégagée de l'étreinte. Elle gagna le village. Elle se dressa, resplendissante, sur l'estacade. Tournée vers Rox, bravant le destin et la victoire, « Je ne courberai pas la tête devant toi » cria-t-elle. Le rire du jeune chef courut sur les eaux. « Quand tu aurais les ailes de l'aigle ou les pieds du bouquetin, au soleil levant je t'emmènerai dans ma demeure. » Elle ne répondit pas. Elle parut accablée. Son visage se tourna vers l'arbre où se tenait Amré. Et le guerrier sentait une espérance bouillonner à travers sa tristesse, comme l'eau des sources à travers le roc dur. Chapitre 4. C'était la nuit. Amré veillait dans sa hutte. Plusieurs fois, il avait rôdé auprès de la grande demeure de Zam. Mais les chiens à tête de loup hurlaient tous ensemble lorsqu'il tentait de franchir la palissade. Car Zam vivait dans le village comme s'il eût campé parmi les bêtes mangeuses d'hommes. Amré écoutait la voix fraîche du lac, la plainte de la brise s'élevant par intermittence et les passages d'ailes et de bestioles légères. Un glissement le fait tressaillir. Il voit une ombre paraître dans le cadre de sa porte. Une voix basse murmure. « Veilles-tu, Amré ?» Il reconnut la voix et le mouvement. Son cœur s'éleva comme une tempête et il répondit. Je veille, fils de Zam. » Il s'était levé, il tremblait de tous ses membres. Elle reprit à voix basse, faisant un pas dans la hutte. « Ferme cette porte. » Il rabattit une claie grossière et la couvrit d'une fourrure. Alors Nomaï prit dans sa tunique une de ces pierres phosphorescentes que les fils du loup tiraient de la montagne et dont ils s'éclairaient par les nuits obscures. Celle-ci était grande. Elle jeta une lueur bleue sur la fille du chef. Amré vit ses yeux étincelants et la douceur de son visage. Elle dit encore « Je suis venue, car je ne veux pas appartenir à Rox. » Elle posa son regard sur celui du jeune lacustre. Il conçut ce qu'il était seul parmi ceux de sa race capable de concevoir, et il le conçut alors clairement, le pouvoir de la femme. Tout brûlé de la magique ardeur de se donner au lieu de prendre, la servitude passa de son âme sur sa face. « Tu ne veux pas appartenir à Rox ? » fit-il d'une voix faible. « Non, je veux appartenir à toi. » Il poussa un profond soupir. Sa joie était telle qu'il chancelait. Il cherchait un mot que les hommes n'avaient pas encore créé pour les femmes et qu'il ne trouvait point. Il répondit enfin. « Et moi aussi, je veux t'appartenir. » Il s'était rapproché. Il la saisit entre ses bras avec douceur. Il demeurait dans une palpitation de tendresse. C'était pour l'un et l'autre un prodige, un événement de légende, d'une légende que les conteurs de la tribu n'avaient point chantée. Elle se dégagea la première. « Demain, au soleil levant, Rox doit me réclamer. Comment feras-tu pour me reprendre ?»« Je n'ai point de richesse, » fit-il. « Ne veux-tu pas fuir au loin du lac ?» Il ne songeait pas à combattre, non par crainte, mais par la certitude d'être vaincu et que Nomaï serait plus sûrement esclave. Elle comprit cela aussi bien que s'il l'eût dit à voix haute. « Non, » fit-elle, « je ne veux pas m'enfuir loin du lac. Nous serions ressaisis par les fils du loup, captifs chez les hommes des cavernes ou chassés par ceux qui vivent sur les arbres aux forêts de l'Orient. » L'énergie voluptueuse de sa parole laissait Amré sans résistance. Il répartit. « Que veux-tu faire, fille de Zam ? Ce que tu voudras, je le voudrai. » Elle dit, sauvage et douce, « Il faut ôter le souffle à Rox. Sa vie est sur notre vie. Elle nous écrase comme la pierre à moudre écrase le grain, et nous ne pourrons respirer tant que battra son cœur. Je n'ai point peur de mourir. Je combattrai Rox. Mais ses armes sont meilleures que les miennes. Il est plus habile à s'en servir. Je périrai, et tu seras sa prisonnière. » Elle, mettant sa main contre la poitrine d'Amré, « Il ne faut pas le combattre, mais le tuer par la ruse. Il n'a pas de parents mâles, hors le père de son père, qui est plus semblable à un vieux frêne qu'à un homme. Ses frères ont péri dans la lutte contre ceux de la montagne. Son père a été dévoré par les abîmes. Personne ne réclamera le prix du sang. Nous nous emparerons de ses richesses et nous les partagerons avec Zam. » Amré ne fit aucune résistance contre l'acte même. « Les chiens rouges le gardent. Si nous touchons à sa palissade, ils gronderont, et leur secours rendra Rox invincible. » Elle répondit d'une voix sombre. « Ils ne gronderont plus. La chair que je leur ai jetée avant de venir te rejoindre a détruit leur souffle. Et voici, je frapperai à la maison de Rox et je l'appellerai. Il reconnaîtra ma voix. Il sortira, car il est possédé de mon image. Il voudra me prendre contre lui, et je lui tiendrai les mains. Toi, tu viendras par derrière pour lui fendre le crâne. » La vision de ce meurtre partagé avec elle remplit Amré d'un délire délicieux et tendre. Il la regarda à la lueur de la pierre bleue, comme il eût pu regarder une déesse, et il la reprit contre son sein avec un soupir d'extase. « Va, fille de Zam, je ferai selon ta parole et je te délivrerai. » Elle dit, « Prends tes armes. » Il choisit sa hache la meilleure, une lance acérée. Nomaï leva silencieusement la claie et la fourrure qui fermait la hutte. La chair noire de la nuit, les petites pierres étincelantes des étoiles, se répétaient tremblantes dans le lac. C'était l'heure où le sommeil de l'homme est pesant. Les chiens même goûtaient un repos plus tranquille. D'ailleurs, il ne donnait de la voix que si l'on se heurtait aux palissades, ou si l'étranger et la bête carnivore paraissaient sur le lac. Chapitre 5. Amré et Nomaï marchèrent silencieusement sur les chemins de madriers et de pierres. Leur âme était résolue. Ils allaient à leur acte comme le rocher roule dans le gouffre, et ils ne s'arrêtaient que pour écouter les bruits vagues qui auraient pu être le mouvement d'un homme. Mais ils reconnaissaient vite le passage d'une effraie, le pas d'une martre ou la fuite d'un radeau. Ils vinrent près de la maison de Rox. Massive, aussi grande que celle de Zam, la lumière des étoiles en tirait un reflet grisâtre. Elle était environnée d'une haute palissade de pieux et d'arbustes. Nul ne pouvait y toucher sans éveiller la fureur des chiens rouges. Mais lorsque Nomaï y porta la main, le silence persista sur le village. Elle dit tout bas. Tu vois, la chair maudite était sûre, leur souffle est parti. C'est pourquoi franchissons la palissade. Tous deux étaient lestes, souples, habiles à ne point déceler leur présence. Ils se trouvèrent près de la porte. Amré se dissimula parmi les branchages. Alors Nomaï frappa du poing contre la porte. La voix terrible de Rox s'éleva dans le silence. « Malheur à ceux qui troublent mon sommeil, la mort est déjà sur leur poitrine. » Nomaï répartit avec douceur. « Je suis venu. » Rox, étonné, demanda. « Pourquoi es-tu venu ? » ?»« J'ai reconnu ta puissance. Pour que tu ne me frappes pas au lever du soleil, voici ton esclave. » Il poussa un rire de triomphe que le soupçon et l'inquiétude interrompirent. « Mais mes chiens n'ont pas hurlé. » Mais la jeune lacustre tenait sa réponse prête. « Ils m'auraient dévoré si je ne leur avais dit la parole magique du dieu des loups. Ils ne s'éveilleront qu'avec le jour. » Rox souleva la fourrure de sa porte. Ses yeux perçants sondèrent la nuit, mais il ne vit que les corps étendus des chiens et la forme de Nomaï. La chair gonflée de désir, ivre d'audace et toujours vainqueur, il n'imagina point qu'aucun guerrier de la tribu osât se lever contre lui, et moins encore qu'une femme pût guider la volonté d'un homme. Seul le silence des chiens l'avait troublé, mais il croyait aux paroles magiques. Il prit seulement une lance, leva soudain la claie et parut devant la jeune fille. Et il dit presque avec douceur « Tu es venue ?» Déjà le désir avançait ses bras formidables. Il tira la Vierge vers sa poitrine. Elle, jetant ses mains autour des épaules de Rox et s'attachant avec désespoir, cria « Frappe !» Amré sortit de l'ombre. Sa hache luisait faiblement en s'élevant. Elle s'abattit comme un marteau. Rox poussa un cri, pareil au hurlement des urus d'hiver. Il tomba sur un genou, puis se releva en brandissant sa lance, et il semblait encore dans sa force. Mais un deuxième coup de hache entra dans son épaule, un troisième trancha sa figure. Alors il s'écroula sur le sol avec un bruit lourd. « Atteins son cœur, » dit Nomaï, « sa vie est notre mort. » Amré fouilla du bout de sa lance dans l'ombre, et quand il atteignit le cœur, le cri de la mort retentit sur le village lacustre parmi les hurlements des chiens farouches. Chapitre 6. Les hommes et les femmes se levèrent et coururent vers la demeure de Rox. Et Nomaï se cacha parmi la multitude, tandis qu'Amré criait « La mort était déclarée entre Rox et moi. L'un de nous devait périr. Les dieux m'ont donné la force. Malheur à qui s'élèvera contre moi. » Nul ne pensait à s'élever contre lui, mais plutôt à l'admirer et à le craindre. Et le guerrier dit encore « Je prendrai sa demeure, ses armes et ses trésors, comme il a été dit par nos ancêtres, et j'achèterai Nomaï, fils de Zam, en payant une rançon double. » Zam éleva la voix à son tour. Cela est bien, que celui qui a vaincu son ennemi prenne sa place. Tu emmèneras la fille au soleil levant. Tous crièrent. Cela est bien. » Le chef des prêtres, qui n'avait pas voulu initier Amré par crainte de sa douceur, s'avança. « Les dieux ont dit, « Prends possession, Amré, de la maison de Rox. Toutefois, tu payeras un tribut aux dieux des nuées. » « J'y consens, » fit Amré. Et sur le signe du prêtre, on le laissa solitaire. Sa joie était vaste comme le lac et les montagnes. Il y avait en lui une adoration confuse et merveilleuse. Il soupirait vers Nomaï comme la terre sèche vers la pluie. Il lui était aussi doux d'avoir obéi à la femme que d'avoir triomphé. Il sentait confusément que son meurtre était une action plus haute que les meurtres des hommes de son temps et moins cruelle. Un instinct de justice, de défense du faible et du pensif, palpitait dans sa poitrine, et son amour s'approfondissait de ces choses obscures. Or, il ne pouvait dormir, et il vit beaucoup d'étoiles glisser au fond du lac et beaucoup d'autres s'élever sur la montagne. Il pensait à la pierre bleue de Nomaï et se demandait si les étoiles ne lui étaient point comparables, car elles se plongent dans les eaux et n'y perdent pas leur clarté. L'aube argenta l'étendue. Les constellations se ternirent devant le crépuscule rouge. Elles s'enfuirent au soleil de cuivre. Il se fit un bruit d'oiseaux et la brise se retourna sur les vagues. Alors Amré cria vers le soleil. « Œil du feu, joie du monde, regard du Dieu qui sécha la terre et lui donna des arbres, laisse-moi l'héritage de Rox et la possession de Nomaï. Je t'offrirai l'ambre, l'urus, le cheval et les béliers aux cornes longues. » Chapitre 7. Cependant, Zam conduisait sa fille vers la demeure d'Amré. Elle portait autour du cou et des épaules un lien de cuir en signe de servitude. Elle tenait à la main droite une pierre à broyer le grain. La fleur sagittaire, la flambe, l'aspirée, étincelait dans sa chevelure. Et Zam l'emmenait au milieu des fils et des filles du loup, tant qu'il aperçut Amré. Il cria. « Zam, fils de War, n'a pas de visage. Il t'apporte, selon qu'il a été dit, celle qui doit engendrer tes enfants. C'est pourquoi songe toi-même à ta parole. » Amré dit à son tour. « Celui qui manque à sa promesse est parmi les hommes ainsi qu'un peuplier sans racine. Voici l'ambre, les lances, les pierres gravées qui domptent les volontés invisibles et les cornes de peinture. » Puis, montrant la multitude, « Que tout ceci soit témoin. » Zam répondit, plein de joie, « Cela est juste. » Et les assistants s'écrièrent, « Nous avons vu. » Prenant sur sa poitrine une pierre de néphrite, le père fit ouvrir la bouche à Nomaï. Ensuite, d'un coup sûr, il lui cassa une dent longue, ainsi qu'il est ordonné. Le sang jaillit. La jeune lacustre tendit elle-même avec douceur la dent brillante à son maître. « Ainsi firent les fils du loup, depuis 10 fois 10 générations. » dit Zam. Et donnant Nomaï, je n'ai plus de fille. Alors, selon la coutume, tous se retirèrent. Amré demeurait plein de troubles devant la jeune fille. Dans son âme amoureuse se glissait la pitié ainsi qu'une fleur subtile sur la terre humide. Il lui fut dur que le sang jaillit de la bouche charmante de Nomaï, et il trouva une parole si douce qu'aucun homme depuis le commencement du monde n'avait dit la pareille à une femme. « Je voudrais, Nomaï, que mon sang coule et non le tien. » Elle se jeta vers lui, ardente de gratitude. Et, penché, il trempa sa bouche dans le sang qui coulait des lèvres rouges. Ce fut une impression étrange, dissolvante et délicieuse. Leurs veines et leurs chairs semblaient confondues. Et il leur vint, obscure mais profonde, l'intuition de la future caresse de l'amour, le pressentiment du baiser.